Le bon Dieu, moi j'y croyais pas, pourtant j'ai rencontré son bras droit. Il habite à La Rochelle, il s'appelle Marcel. Ti-pom-pom, ti-pom-pom, ti-pom-pom. On connaît bien les Charentaises, le chausson ou ce qu'on est benaise. Mais pour connaître les Charentais, faut faire un tour dans leur marais. J'y suis allé un vendredi midi dans une guinguette au bord de l'eau. Matelot, j'avais alors un Iveco, coco. Entendez rouge, pompon, ti-pompon, ti-pompon. Y a des jours on fait la java, puis y a des routes qui ne vont pas droit. Mais quand la DDE s'en mêle, on se mange une gamelle. Ti-pompon, ti-pompon, ti-pompon. On connaît le pont d'Avignon, parce qu'on y danse tous en rond. Moi j'ai fait valser mon camion sur le petit pont de Togon. Ce vendredi là vers 9h du soir, ému par tout ce que j'avais bu. Mais le petit pont, moi je l'ai pas vu, pas vu. Entendez pas bris, pompon, ti pompon, ti pompon. Comme elle préfère le bleu au rose, elle a soigné nos ecchymoses. Elle a son nid à Rompsay, elle s'appelle Dédé. Quand il fallut suivre les pompiers, elle nous prêta sa mini-moque. Ne croyez pas qu'elle s'en moque. Dans le canal, un homme a plongé notre sac à récupérer que nous avons fait sécher. Marcel et Dédé.